Compréhension de l'oral. Le café suspendu fait des émules. Vous connaissez le principe du café suspendu. C'est une tradition qui vient de Naples. On boit son café dans un bar, on le paye et on en paie un deuxième pour qui veut. Quand un client dans le besoin se présente ensuite dans le même bistrot, il demande s'il y a des cafés suspendus et si oui, donc il boit son café gratuitement. Eh bien, voici à présent la place de théâtre suspendue. C'est à Toulon qu'on a eu cette belle idée. On est en ligne avec Pascale Beuglin-Rodier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale du théâtre Liberté à Toulon. Alors, c'est en ce moment que les gens réservent leur place pour la saison prochaine, pour le spectacle de septembre, et ils peuvent acheter un billet suspendu. Comment ça marche ? Écoutez, on a eu cette idée, en effet, en entendant parler du fameux café suspendu, et on s'est dit, pourquoi pas l'appliquer au théâtre. On a lancé la chose le 8 juin, au moment du lancement de saison. Voilà, la personne qui souhaite venir s'abonner ou acheter un billet peut acheter un second billet. Et il se trouve que comme nous sommes en plus un organisme d'intérêt général, nous sommes éligibles à la loi sur le mécénat, ce qui fait qu'il y a un double avantage. Donc la personne achète un deuxième billet pour un bénéficiaire qu'il ne connaît pas, pour un tarif de 20 euros, mais avec la déduction fiscale de 66%, le billet lui revient à 6,80 euros. Donc voilà, c'est un geste solidaire qui est assez simple et qui est peu coûteux, puisque ça revient au donateur à 6,80 euros. Précision importante, on ne choisit pas le bénéficiaire, on ne choisit pas à qui ira le billet suspendu. Pas du tout. D'ailleurs, on a symbolisé ça dans le hall du théâtre où se trouve la billetterie avec un petit fil, comme un fil à linge et des épingles. Et on suspend les billets comme ça au fur et à mesure qu'ils sont achetés. On ne choisit pas le bénéficiaire, on ne le connaît pas. On a déjà 4 personnes qui se sont présentées là depuis une dizaine de jours qu'on a lancé l'opération. Ou alors, nous-mêmes avons un service de toute façon qui fait un énorme travail depuis 5 ans avec les associations du champ social à Toulon et qui donc peut distribuer de façon groupée, redistribuer ses places de façon groupée. Ce sont des associations qui venaient jusque-là au théâtre pour un tarif solidaire à 5 euros. Aujourd'hui, on peut proposer un mix à ces associations. S'ils viennent à 20, par exemple, on peut leur dire, on peut vous faire 10 gratuités et 10 billets à 5 euros. Donc, c'est vraiment très intéressant aussi. Donc, les bénéficiaires de ces billets suspendus, ce sont ceux qui bénéficient des minima sociaux, notamment ? Voilà. Alors, on a fixé 3 catégories. Après, ça peut évoluer, puisque c'est nous qui avons tout fixé. Pour l'instant, on a décidé que ce seraient les bénéficiaires des minima sociaux, les étudiants boursiers et les personnes handicapées. Alors, pourquoi ne pas offrir des places aux plus démunis, tout simplement ?